C'est le Darnaud, c'est le chant des petits moineaux. Celle d'Elvis, c'est une gitane maïs. Celle de Paul, c'est de l'alcool. Celle de Jean, c'est de l'argent. Moi, j'ai ma muse à la maison, qui m'amuse en toute saison. Au fond de ses yeux polissants, je vois briller mille chansons. Celle d'Igor, c'est le travail, c'est l'effort. Celle de Sam, c'est la défonce, c'est la canne. Celle d'Alain, c'est son gamin. Celle d'Armand, c'est sa maman. Moi, j'ai ma muse à la maison, qui m'amuse en toute saison. Le long de ses tendres, je t'aime. Je vais glaner mille poèmes. Celle de Jack, c'est le fond de son hamac. Celle d'Arthur, c'est le frisson de l'aventure. Celle de Pierre, c'est la colère. Celle de Jim, c'est la déprime. Moi, j'ai ma muse à la maison, qui m'amuse en toute saison. À sa gaieté, à son entrain, je dédierai mille refrains. Celle de Gilles, c'est la foi, c'est l'évangile. Celle d'Alex, c'est le stupre, c'est le sexe. Celle de Joe, c'est les ragots. Celle d'Eddie, c'est les radis. Moi, j'ai ma muse à la maison, qui m'amuse en toute saison. Contre un câlin, contre un frisson, j'inventerai mille chansons. Et ma mousse à la maisonne, qui m'amoussane toutes ses sonnes. Contre un câlin, contre un frisson, y'inventerai mille chansons.